Torque et Mada sur le beat, Autoda fait sodomite, les parasites nous colonisent. Mais moi j'ai la solution, crois pas que j'enjolive quand je parle de les vouer aux gémonies. Ça sera eux ou nous de façon, donc autant qu'on les génocide. Faut pas vendre la peau du négro avant de l'avoir écorché. Mais je trouve que Dominique Sopo ferait une très belle descente de lit. Ce qu'il nous faut c'est un fureur et pas un chancelier, avant que ce qui fait notre nation ne soit plus qu'un champ de ruines pour ceux qui sont de mauvaise foi comme Eric Abidal. Ça sera la grande joie post-mortem de connaître le feu éternel. Je vois des grosses putes en burqa, pourtant c'est pas le mardi gras. Venu pour foutre le dawa comme une bonbonne de zyklon dans une bar mitzvah. Je suis la version française et moderne de Johnny Rebel. Entertainment Corporation Division Musique Nègre. Un tic dans mon jardin comme Tony Montana. Le modèle Panzer Dizer, les Benz Romy Stones Erreur. Écrit sur le Zeppelin. Tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc. Champagne, petit four et privilège blanc. J'milite pour le droit de faire feu, vu sur les fiottes pendant qu'au palais de l'Elysée, Macron se fait tasser sa crotte, il me trouve rétrograde. Parce que j'pense que la place des pédales, c'est l'hôpital psychiatrique et pas la mairie. Encore un énième poison qui nous vient d'Amérique. Quand c'est pas eux, de toute façon, c'est la perfide Albion. J'ai pas le temps pour écouter des revendications de salopes mal baisées. Si elles ont les cheveux bleus ou violets, les sorcières au bûcher. Dans le monde occidental, les salouines prolifèrent, donc direction l'Afrique du Sud pour Caroline Forest. Car là-bas, ils ont trouvé comment curer les lesbianisme. Un bon viol collectif, les brouteuses, ça leur fait pas de mal. 100% hétéro, de par leur seule existence, les pédales m'oppressent. On va leur tomber sur la gueule mieux que l'épée de Damoclès. C'est des biens dégénérés, veulent nous imposer leur mœurs. À force ou comme Karim Surfi, j'ai des envies de meurtre. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc. Champagne, petit four et privilège blanc. Distribuer des tracts, coller des affiches, ça m'intéresse pas. Je préfère de loin comme à l'ancienne une bonne verratonnade. Pendant que les sous-hommes se multiplient, je vois ma race en train de mourir. Une chose est sûre, on n'aurait jamais dû coloniser l'Afrique. Depuis que les migrants coulent dans la Méditerranée, les requins en glace. Chaque fois qu'une embarcation chavire, c'est ce qui m'attriste le plus. Va falloir arrêter d'attendre après Monseigneur Ebola pour résoudre le problème. Ils sont bien trop nombreux de plus. Entre eux et nous, y'a quand même quelques millénaires d'écart. Non, bamboula, c'est pas un taf d'aller pointer à la CAF. Dans mon arbre généalogique, les nègres, on les trouve qu'au bout d'une corde, ils ont trop tiré dessus. Quand y'a des conséquences, ça les étonne. C'est pas que je veux une guerre civile, mais je la préfère largement à la mort apathique de mon peuple à laquelle j'assiste en ce moment. Marianne la nymphomane, putain nègre que j'exècre sans excès de zèle. C'est pas du rap hardcore, mais juste censé en fait. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Champagne, petit four et privilège blanc. Quenelle épaulée en direct live du mémorial de la Shoah. Kalin Zakubovic s'enfonce une menorah dans la chatte. Expulsion pour tous les siono-marxistes comme Bernie Sanders. Du sang et drain à BHL, les plus grands des criminels. Je veux voir la tête de Limon tu Jack Lang dans un seau de merde. Quand c'est pas des pédos, ils trafiquent des organes comme Kushner, Angela Merkel. Je crois qu'il y a pas pire qu'elle, je la confierais bien au bon soin du docteur Mengele. Je suis baptisé, pas circoncis, maudit soit ceux qui se prosternent devant Zog. Exécution sommaire pour tous les cosmopolites. Dans les films sur la seconde guerre mondiale, j'ai jamais compris. Pourquoi à la fin c'est jamais les gentils qui gagnent. Le devoir de mémoire c'est d'honorer nos ancêtres en luttant contre la juiverie qui voudrait nous voir disparaître. Mal blanc, hétéro, cisgenre, en somme juste la norme. Salue la victoire de la main droite en criant Sieg Heil. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Champagne, petit four et privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc, privilège blanc. Si tu fréquentes des Wewa Skunks, fais-leur bien comprendre. J'ai aucune intention d'abandonner mon privilège blanc. Privilège blanc, privilège blanc. Champagne, petit four et privilège blanc.